depuis petit il est grand parce que les grands ils lui disaient ça. Il sèche, il aime pas l'école, il aime pas le foot, il s'en fout du rap. Il écoute même plus sa mère et avec son frère il fait des bagarres. Il veut pas ressembler à son père parce que son père il nique tout au bar. Reine de tête en tête, il veut pas ressembler à ses clochards qui tapent dans la cesse. Il veut qu'il encaisse ses pas de bois comme tous les alcooliques. Ils le connaissent tous la police. Il aime pas trop toutes ses promesses. Il aime Louis Vuitton pas les camis. Il veut se barrer loin d'ici quelques jours avec ses potos. Dans le bloc il vend du shit, le petit veut se payer sa moto. Maintenant le petit a grandi, il veut gérer la zone. Porter du Fendi avec la tête du réseau. Il se barre si ça va plus, il s'enferme dans les studios. Il vient de voir au parlu avec sa conso dans les couilles. Maintenant le petit a grandi, il veut gérer la zone. Il veut porter du Fendi avec la tête du réseau. Il se barre si ça va plus, il s'enferme dans les studios. Il vient de voir au parlu avec sa conso dans les couilles. Maintenant le petit a 20 ans, c'est plus de 20 fois qu'il s'est fait péter. Il les assume, ses soeurs, ses parents. Il croit qu'on se rabaisse en travaillant. En Clio 300 mi-père, il fait des tours où c'est pas permis. Il aime les filles, il aime trop la nuit. Il voit l'Espagne comme le paradis. Il gère le four, il paye les guetteurs. C'est un bateau dans le ghetto. Il a son calibre à la messe parce qu'il sait que des jaloux y en a trop. Il donne la main si tu tombes à terre. C'est un rat mais il est pas con. Il veut faire sa place dans les affaires. Il veut qu'un jour on l'appelle patron. Mais lui-même il sait qu'un jour il va l'apprendre dans la tête. Si c'est pas la mort, ça sera la police qui l'arrête. Maintenant le petit a grandi, il veut gérer la zone. Il veut porter du Fendi avec la tête.